C'est le son de la picra, des pulls à capuche. La zone attitude, le son t'écoute quand t'es vénère. Qui pousse dans le BM, le son des loups attendant les bolos sur le terre-terre. C'est le son des voyous. La zone attitude, le son t'écoute quand t'es des hecs. Qui court quand t'es des Z. Le son lourd des quartiers qui te fait pousser des Z. Des missions à gros budget. Des cums qui n'ont plus d'emprunt. Des frères qui s'en vont purger pendant que leurs meufs sont enceintes. Le son de la réalité urbaine. Le son du shit et de la cocaïne. Des filles qui sont sûres d'elles. Le son des caves aménagées en salle de sport. Le son des petits qui grandissent, qui frappent, qui changent de corps. Le son du pao, du schlass qui te dit ciao. Le son des salauds qui tirent même dans les salles comme dans les saloons. Le son des grands qui n'ont jamais trahi la rue. Le son qui baise le FM, un tarpé sur la nuque. Le son du regard de travers, du tête à tête. Le son qui sent le tibia qui t'a foutu à terre. Le son des refrains qui parlent pas mais agissent. La magie de ces canailles qui ont compris la vie. Paname et ses cauchemars se réalisent. Je suis au pays des merveilles, dans le 9-2 je suis comme Alice. C'est le son de la bicra, des pulls à capuche. La zone attitude, le son t'écoute quand t'es vénère. Qui pousse dans le BM. Le son des loups attendant les bolos sur le terre-terre. C'est le son des voyous. La zone attitude, le son t'écoute quand t'es des hecs. Qui court quand t'es des Z. Le son lourd des quartiers qui te fait pousser des Z. Le son des rats qui ont des armes sous les draps quand le bras allonge. Rap sous la rage et la crache comme un dragon. L'argent justifie nos actes quand nous larguons. Drogue c'est l'embargo. Le port demande pardon au charbon. Nos idées virent au noir et deviennent ardentes. Nos humeurs ont du mal, ont rendu l'âme dans un magnum. Bad ball, la volaille à la dalle et dirait pas le god. Mon cerveau a des chaînes, on suivira le rêve d'un Dalton. Le son des billets sales, des milliers de sapes. Un son qui fait pas crari, quand il dort il est sage. Il est hal quand tu coupes, quand tu tisses dans la bouteille. Il est hal quand tu cours, quand tu pisses dans la fournaise. Le son des voleurs, ex-tolars, cogneurs. Le son des loups-garous et des films d'horreur. Le son des bonhommes qui crament le bitume. Le son des affaires bizarres, la zone attitude. C'est le son de la bicra, des pulls à capuche. La zone attitude, le son t'écoute quand t'es vénère. Qui pousse dans le BM. Le son des loups attendant les bolos sur le terre-terre. C'est le son des voyous. La zone attitude, le son t'écoute quand t'es des hecs. Qui court quand t'es des Z. Le son lourd des quartiers qui te fait pousser des ailes.